D'ailleurs, moi aussi, j'ai relu le scénario. J'ai des retours. Ah. Oui, je suis pas sûr que ce soit le moment. Bah pourquoi? Bah si, puisque je travaille avec vous maintenant, non? Je sais découper le gigot, mais je sais lire aussi. Non, mais si, pourquoi? Vas-y, je suis curieux, si tu me permets. De toute façon, je suis d'accord avec toi, Igor, c'est vrai que c'est très violent. Mais oui. Mais c'est une volonté du réalisateur de montrer avec réalisme, avec force, toute la violence de l'époque, toute sa cruauté. Et d'ailleurs, je pense que si tu l'as ressenti aussi fort, c'est qu'il a réussi son pari. Parce qu'en fait, quand on regarde dans le détail les scènes, leur description, il n'y a pas tant de violence. Enfin... C'est pas gratuit. Non, c'est finement amené par les personnages du peuple. Ils souffrent tous les jours des restrictions qu'on leur impose, qui s'accumulent, et ça, c'est inouï comme violence. Justement. Alors oui, ils prennent les armes. Et qu'est-ce qui se passe? On les traite de barbares. Mais le film, il interroge ça, justement. Qui sont les vrais barbares? C'est quoi la vraie violence? La franche colère? Ou les petits coups en douce? La malhonnêteté, quotidienne et banale, le sans-gêne, l'abandon permanent de l'idée de bien public? Alors moi, je pense à Brecht, qui déjà à son époque nous disait « On parle souvent de la violence du fleuve, mais on parle jamais de la violence des digues qu'il contient. » Troisième partie de cette petite équipe qui a décidé de mettre en place un sommet européen citoyen. Une petite équipe de citoyens, ça se passait le 17 et le 18 octobre. Et tiens, ce serait bien de citer l'équipe organisatrice de ce sommet citoyen. Il y a Nicolas Lefebvre, Jean-Marie Soyer, Patrick Sachel, Boris Libois, Laurent Verheyken, Isabelle Duchâteau. Donc je l'ai dit, on s'écoute la troisième partie. Et alors, dans cette troisième partie, on aborde plus l'idée de Senta de Peut, de parler de, vous savez, cette fameuse manifestation qui a eu lieu le 29 août 2020 à Berlin, avec Robert Kennedy qui a délivré un discours historique. Je lis là, hein, c'est pas moi, j'étais pas là. Mais alors surtout, devant une foule très importante, plus d'un million de personnes, selon les organisateurs, mais selon les sources officielles, 38 000 personnes. Senta de Peut, journaliste belge, va nous parler de ça. Et on entendra aussi Jean-Pierre Gala, qui est un chef d'hôpital, qui est un chef, qui est, comment on dit ça qui est chef clinique, voilà, qui est un chef, de toute façon, de clinique d'un hôpital, plus le public qui réagit. Micro ouvert. Moi, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, maintenant, pour le temps qui me reste, c'est de ce qui se passe en Allemagne. Je vous ai dit qu'en Allemagne, ils avaient vraiment cette conscience accrue de se dire « Nous risquons vraiment de perdre la démocratie et de retourner dans une dictature. » Et c'est vraiment tout un peuple qui se mobilise. Et j'aime beaucoup la façon dont ils le font. Mais c'est une mobilisation... C'est une mobilisation qui est là parce qu'ils ont une conscience qui est accrue, qui n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas encore, si je peux me permettre, peut-être les gens qui sont ici, mais les gens autour de nous n'acceptent pas encore de voir les choses telles qu'elles sont, en tout cas les risques tels qu'ils sont. Mais ce courage qu'ils ont, c'est aussi une organisation collective. Et ça, je trouve, c'est vraiment remarquable. C'est-à-dire qu'on a effectivement, quelqu'un a posé la question, savoir pourquoi est-ce que tous les juristes ne sont pas là à se mobiliser spontanément pour faire... Eh bien oui, tous les corps défendants, je veux dire, de la société, sont là pour s'unir spontanément. Et donc, il y a des groupes de médecins, il y a aujourd'hui Ärzte für Freiwillige für Erklärung, qui est devenu AQ2020, qui est aujourd'hui, donc c'est un groupe qui était mené par un médecin que certains d'entre vous ont vu, Heiko Schöning, mais derrière lequel il y a plus de 1000 médecins aujourd'hui, des médecins, des scientifiques, qui font une espèce de sorte en ligne, si vous voulez, d'enquête, ils mettent leurs données entre eux, ils se partagent les données, ils font des déclarations sur vidéo, sur YouTube, une enquête extra-parlementaire de ceux qui voient de la réalité qui est la leur et qui n'est pas celle qui est représentée à la télévision. Ces médecins ont eu le courage non seulement de parler, mais sont en train d'initier des initiatives, je dirais,

trouver l'argent, les financements pour faire des études, pour faire des actions en justice, pour faire de la recherche. Donc c'est vraiment tout un peuple qui se mobilise. Et j'espère qu'on va pouvoir faire la même chose chez nous, parce qu'ils sont vraiment prêts à nous transmettre leur expérience et à nous associer, associer les mouvements citoyens des autres pays à leurs actions. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui de Rainer Fulmich. Monsieur Janssen a parlé tout à l'heure des class actions. Je pense que plusieurs personnes l'ont déjà vu, mais ceux qui ne l'ont pas encore vu. Voilà, c'est un avocat allemand qui peut plaider en justice tant en Allemagne qu'aux États-Unis. C'est un avocat qui a déjà gagné de grandes class actions. Donc effectivement, ce sont des actions collectives. On prend peut-être un cas, un test case, mais qui va servir pour un grand nombre de personnes qui en a déjà gagné, y compris contre la Deutsche Bank, etc. Donc des grands lobbies, on va dire. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a vraiment cette volonté, même avec les class actions, on a le droit de demander à la partie adverse de montrer tous ses documents. Parce que c'est toujours ça le problème, c'est la transparence. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'intenter au nom, par exemple, des victimes du coronavirus, que ce soit les personnes à voir sur... Donc toutes les mesures qui ont été prises, elles ont été prises sur base, par exemple, de tests PCR. L'utilisation de ces tests est très critiquée. L'interprétation qu'on en fait, les conclusions qu'on en tire, les mesures que l'on fonde là-dessus. Il y a eu des fraudes, notamment par rapport à ceux qui ont conçu, aux concepteurs du test Covid, PCR Covid en Allemagne, qui s'appelle Drosten. Et donc, ils sont prêts, collectivement, des deux côtés de l'Atlantique, en Allemagne et aux États-Unis, à s'attaquer à ça. Comme il disait, 60% de l'économie allemande est menacée, ce sont des petites entreprises, des indépendants, etc. Et donc aujourd'hui, ces gens, ils ont décidé de se mettre tous ensemble, les meilleurs avocats, les entrepreneurs qui vont les financer, et de faire, d'attaquer, et les responsables, et ça va être à plusieurs niveaux, et les responsables politiques, et ceux qui ont fait des recommandations sans transparence, en se fondant sur des données qui n'étaient peut-être pas scientifiques, et ceux qui ont fabriqué des tests en promettant des résultats qui n'étaient pas fiables. Donc, je veux dire, il y a de l'espoir, mais il faut joindre ces gens-là, il faut y aller, il faut se bouger aujourd'hui. Je pense que le gros problème en Belgique, c'est que les gens se disent toujours « on va encore faire un petit effort supplémentaire par rapport à tout ce qu'on nous demande, et puis ça ira mieux, on fait le gros dos, parce qu'on est naïf, parce qu'on est bon enfant, parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui se passe. » Je dois m'arrêter ? Non ? 5 minutes ? Ok, voilà. Donc, moi, je vous invite à aller regarder ce qui se passe là-bas, parce que l'Allemagne, c'est le moteur de l'Europe. C'est là que sont nés, quelque part, les droits de l'homme. C'est là qu'il y a eu le tribunal de Nuremberg. Oui, enfin, en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très choqués. Tout ce qui se passe partout. Je vais donner un exemple, peut-être, qui fera écho à ce que Mme Burgot a dit. Je discutais avec un avocat à La Haye il y a peu. Il me dit, j'ai des étudiants en droit qui sont venus me voir. Ils ont déjà reçu le texte avec les mesures, la loi Covid, dans leur cursus universitaire. Cette loi n'a pas encore été votée. Enfin, elle vient de l'être maintenant, mais je vous parle d'il y a un mois. Cette loi n'a pas encore été votée, mais c'est déjà la première chose qu'on m'a transmise. Voilà, je viens de commencer mes études en droit ce matin, je viens de terminer mes études en droit ce soir. Après avoir lu cette loi, je vois pas pourquoi je voudrais ouvrir un code, il n'y a plus rien. Je veux dire, voilà, c'est simple. On prend le texte de la loi Covid, entre guillemets, et c'est la porte ouverte à l'arbitraire, le reste n'a plus aucune valeur. C'est malheureusement comme ça partout. Ce que j'entends énormément aussi, dans beaucoup, beaucoup de pays européens, c'est cette espèce de manière de légiférer par voie médiatique, télévisuelle, on fait des grandes annonces, on annonce des sanctions, on annonce des obligations, et puis finalement, les textes ne sont pas signés, pas publiés. Et là, il y a la question de la responsabilité. Qui est responsable, finalement? Ah, mais non, on n'a jamais signé ça. On l'a dit, mais ça n'a pas été signé. Et là, il y a vraiment quelque chose, effectivement, de plus qu'inquiétant. Je suis très interpellée, voilà, par le premier point avec lequel elle a commencé, savoir la publication des textes, la signature des textes, la publication des textes. Et les votes au Parlement, quand je vois ce qui s'est passé la semaine dernière, ou il y a quelques jours à peine, en France, par rapport au couvre-feu, etc., la fermeture des établissements Horeca en France, on a demandé un vote au Sénat. Fait remarquable, le Sénat a voté non. Et puis on leur a dit, vous n'avez peut-être pas très bien compris ce qui a été voté ici. On vous propose de faire un deuxième vote. C'est hallucinant. Je veux dire, c'est vraiment... moi, quand je regarde tout ça, j'ai l'impression d'être dans ces films, ces péplums où on assiste à la fin de l'Empire romain. Et aujourd'hui, je pense vraiment la grande dérive qu'il va y avoir, personnellement, je pense qu'on va arriver à un affaiblissement complet de la notion d'État et de nation. Et là, il faudra déjà avoir quelque chose à proposer. Parce que de l'autre côté, c'est clair qu'il y a une volonté manifeste d'un gouvernement mondial. Il est déjà là, j'en parlerai plus tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Et donc, il faut qu'on soit prêt avec les solutions. Il y a beaucoup de gens qui ont... Mais il faut vraiment une refonte complète. Je crois qu'aujourd'hui, on répond du tac au tac avec des chiffres. Mais il faut sortir, il faut aller dans une autre logique. Moi, personnellement, je ne veux pas un gouvernement qui soit fondé sur la science. Je veux des décisions qui soient fondées avant tout sur les libertés, sur les droits de l'homme. Ça, pour moi, ça doit être au cœur de chaque décision, de chaque projet. Il faudrait repenser la santé avec ses points fondamentaux dans les décisions, je veux dire, dans les principes même du refondement de politique de santé. Je pense que les droits de l'homme doivent être le principe fondamental. Et quand on parle de toutes les victimes du coronavirus, on parle des vies qu'on va sauver, etc., de l'Afrique et compagnie, est-ce qu'on parle encore de tous ces gens qui meurent de faim et de soif, etc.? On s'en fout. Alors, allons voir où sont les priorités de l'OMS. Donc, quand on recalcule tout ça, qu'on refait tous ces budgets, qu'on refait ces politiques de santé, je pense que, vraiment, pour moi, la clé, ça va être la transparence et les droits fondamentaux de chaque politique. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Senta. On apprécie beaucoup ce que tu écris, ce que tu fais. Senta est quasiment une cheville ouvrière de ce qui s'est passé à Berlin pour Kennedy. Ça mérite d'être souligné. Je crois qu'on peut tous retenir effectivement le fait que la bonne nouvelle, quelque part, c'est que nous ne faisons pas ce que nous pourrions en tant que citoyens depuis des siècles. Il suffirait qu'on dise un peu ce qu'on veut, qu'on regarde ce qu'on en fait. Il y a déjà des systèmes qui sont en place. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de VoteWatch. VoteWatch.eu, Vote, V-O-T-E, Watch, en un mot, W-A-T-C-H.eu. Ce sont des gens ici à Bruxelles qui notent qui vote pour quoi au niveau européen. Et donc, vous pouvez retrouver par année, par sujet, par député, par parti. Si on pouvait faire ça de façon plus large, ça pourrait aller mieux. On dit que ce qu'on mesure. Qu'est-ce qu'on mesure? Chacun a sa notion de la sécurité, de la démocratie et tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure un peu PISA. Ça montre déjà qu'il y a moyen de comparer des résultats sur un domaine particulier, l'enseignement en l'occurrence, sur 70 pays, c'est déjà pas mal. Si on pouvait avoir dans des systèmes comme ça, le bonheur national brut, la durée de vie des gens, le taux de chômage, ce serait pas idiot. Et c'est plus facile de se mettre d'accord là-dessus que de dire ce qu'on doit faire. Pourquoi est-ce qu'on vise tout le temps les moyens, il faudrait ça, plutôt que de viser les buts? Simplement dire ce qu'on veut, c'est un niveau de santé de autant, un niveau de pauvreté simplement atteint par certains, mais pas par... Enfin, avoir des chiffres pour tout ça. Une fois qu'on mesure, on a généralement, parce que c'est facile alors de faire un débat en disant « Vous nous promettez des tas de grands mots, mais concrètement, ça représente quoi ?» Merci Senta. Bonne nouvelle, on a Senta cet après-midi aussi dans un autre domaine, donc vous pourrez continuer à bénéficier de ces bonnes idées et de ces bonnes informations. Et maintenant, j'accueille Jean-Luc Gala, le célèbre Jean-Luc Gala que vous avez vu à la télévision parfois. Je vais lui donner la parole. Je le remercie d'avoir pris un peu de temps parce que aujourd'hui c'était un de ses collègues qui devait venir, mais hier il n'a toujours pas mangé son repas de midi à 8h du soir. Ça bouge fort dans les hôpitaux. Jean-Luc Gala est du côté maladie infectieuse, si je me souviens bien, chef de clinique maladie infectieuse à Saint-Luc. Voilà. Voilà, bon. Comme je ne suis pas un communicateur professionnel, j'ai besoin de mes notes, sinon je ne sais plus quoi dire. Donc en fait, je ne sais pas trop pourquoi je suis ici. Hein, ça va vous paraître bizarre, puisque normalement c'était un collègue qui était manifestement en contact avec vous, et puis pour des raisons qui m'échappent, il n'a pas pu venir. Et comme toujours, la solidarité faisant, on m'a demandé de le remplacer. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de la vision actuelle, qui est la nôtre au niveau médical. Alors quand je dis la nôtre, c'est déjà très important de vous rappeler que ce n'est pas ma vision, ce n'est pas la vision de Jean-Luc Gala. Moi, je représente effectivement une branche médicale dans laquelle je travaille depuis des années. Je suis un médecin de terrain, j'ai fait énormément d'opérations en Afrique, j'ai travaillé pour l'armée belge, je suis un médecin militaire pensionné. Et je travaille effectivement beaucoup avec des médecins généralistes, avec des médecins intensivistes, avec des urgentistes, et je travaille aussi beaucoup avec des collègues du nord du pays. Donc on oppose toujours le nord et le sud, on dit toujours la Flandre versus la Wallonie, on parle du Bruxelles bashing, il existe, croyez-moi, il existe, c'est vrai qu'il existe. Mais il y a aussi des collègues médicaux au nord du pays, des psychologues, des économistes, qui pensent également exactement comme dans la même ligne de ce que je vais vous parler ici. Alors de quoi je vous parle? C'est d'une non-gestion de crise. Nous sommes dans une crise Covid qui n'est absolument pas gérée. Il est extraordinaire, si je vous pose la question à vous, là maintenant, qui est le gestionnaire de cette crise à l'heure actuelle en Belgique? Est-ce que vous avez un nom à me proposer? Qui? Absolument pas. Je vous parle d'une gestion individuelle. Vous savez qu'un pays, quand il est en crise, doit avoir un gestionnaire de crise. C'est un principe tellement élémentaire que ça me paraît incroyable de devoir vous le rappeler. Quand on est dans une crise, je suis un médecin militaire, quand on est à la guerre, on suit son général en chef. Et le général en chef délègue ses responsabilités à une série de personnes, et ainsi de suite. Ici, qui est notre général en chef? Vous pensez que c'est le Premier ministre? Non. Vous pensez que c'est le ministre de la Santé? Non plus. Vous pensez alors peut-être que c'est le commissaire qu'on a... Personne ne le connaît d'ailleurs, c'est un cabinetard hein, qui a travaillé pour Maggy de Bloch, qui n'est pas médecin, je pense qu'il n'a jamais mis les pieds en Afrique, je crois qu'il n'a jamais vu un malade de sa vie, je crois qu'il n'a jamais vu un malade mourir, il n'a jamais pris un malade dans ses bras pour ses derniers moments, il n'a jamais dû consoler une famille qui perdait un enfant, qui perdait un être cher. C'est un jeune gars, un cabinetard. J'ai le plus profond respect pour le cabinetard, parce qu'il a certainement des compétences intellectuelles que je n'ai pas. Donc le plus profond respect pour lui, mais je suis désolé, une crise sanitaire de cette dimension, ce n'est pas la bonne personne. Donc qui est le gestionnaire de crise? Vous avez une alternative? Moi je n'en ai pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. C'est extraordinaire quand même. On vit une crise fantastique de santé publique, Il n'y a pas de gestionnaire de crise. Vous prenez la Suède, qu'on cite souvent en exemple. La Suède n'a pas tout réussi, mais elle a réussi un certain nombre de choses que nous, nous n'avons pas réussi. La Suède se débrouille plutôt pas mal pour l'instant. Alors, je dis pour l'instant, parce qu'on ne connaît pas tout de ce virus, et il est bien possible que dans les mois qui viennent, ils auront encore des coups de chaud, comme on dit, hein. Personne ne sait exactement quelle est la meilleure stratégie par rapport à ce virus. Pas plus moi que les autres. Ne me comprenez pas mal, je n'ai pas une solution optimale. Mais on voit quand même que certains pays font mieux que nous. La Suède fait mieux que nous pour l'instant. Là, si vous me demandez qui est le gestionnaire de crise, je peux vous citer deux noms. Je ne le ferai pas parce que ça ne vous dira rien du tout et que ça n'apportera rien au débat. Mais ils ont deux gestionnaires de crise professionnels. Vous voulez un autre exemple plus près de nous? L'Italie. Vous vous souvenez de la Lombardie et du Piémont? Vous vous souvenez des camions militaires qui transportaient les corps? Ça nous a d'ailleurs profondément choqués. RTBF, un journal du soir, pendant 3 minutes, alors que nous, quand on nous demande une explication, on nous demande de la donner en 30 secondes, 3 minutes d'émission sur les camions militaires qui, le soir, allaient incinérer les corps. Ça, c'est l'Italie, mars-avril. On a donné les clés de la gestion de crise à des professionnels. Ça s'appelle la protection civile. On a aussi des professionnels de la protection civile en Belgique. Croyez-vous qu'on a demandé à la Belgique, à la protection civile belge, de gérer la crise? Pas du tout. Alors, certains d'entre vous, à juste titre, me diront « Oui, mais la protection civile, docteur, c'est pas la médecine. » Oui. Mais les professionnels de la gestion de crise, quand ils ne savent pas, en tout cas, ils savent gérer une crise, et quand c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas, ils s'adressent à d'autres professionnels qui connaissent. Et donc, la protection civile italienne a travaillé main dans la main avec les autorités médicales. Est-ce que vous entendez encore parler d'un problème en Italie pour l'instant? Non. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi on n'en parle plus? Parce qu'ils n'ont plus de problème pour l'instant. Comment ont-ils fait? Comment se fait-il qu'un pays qu'on a cité en exemple d'un drame réel, social, économique, psychologique, qui est passé par... Je vous rappelle que l'Italie a été rouge, sans faire référence du tout à la couleur d'un parti politique, a été rouge profond sur tout le territoire pendant des semaines. Maintenant, c'est un des pays les plus sûrs au monde. Ils ont bien géré. Alors nous, nous n'avons pas de gestionnaire de crise. Nous n'avons pas de gestionnaire de crise. Par contre, nous avons un ministre de la Santé qui est un champion du monde dans la créativité. Quand même, brûler 6 millions de francs belges dans un feu à bois, il faut quand même être extrêmement créatif. Et puis maintenant, imaginez une bulle de 3 alors qu'on a passé des semaines à dire qu'une bulle de 5 ne servait à rien. Moi, je trouve qu'on n'est pas champion du monde en football, mais en créativité politique, là, on est imbattable. Ça, je peux vous dire qu'au niveau belge, on ne peut pas faire mieux. Ça, c'est vraiment champion du monde. Chapeau au ministre de la Santé. Néanmoins, on en rigolerait si les conséquences sociales, si les conséquences économiques, si les conséquences psychologiques n'étaient pas désastreuses. On est en train de créer un bain de sang social. J'ai rencontré plusieurs personnes de l'ORECA hier. Les patrons pleuraient. Pleuraient littéralement. Je pleurais avec eux. Les gens se suicident maintenant. Les médecins généralistes me rapportent les suicides. Les médecins généralistes me disent qu'ils n'ont jamais prescrit autant d'antidépresseurs, autant de somnifères. Les psychologues, les psychiatres me disent qu'ils n'ont jamais vu autant d'affections psychologiques. Les gens se sentent mal, les gens sont anxieux et les gens n'ont surtout plus de perspective. Est-ce que ce gouvernement qui a pris des mesures dures hier vous a donné une perspective? Est-ce qu'il vous a donné un espoir? Est-ce qu'il vous a dit « les gars, on se serre les coudes pendant 15 jours, mais après, on vous assure que ça ira mieux » Non, parce qu'ils n'en ont pas. Revenons à cette crise actuelle. On vous parle deuxième vague, première vague, troisième vague, cinquième vague, quinzième vague. Laissons tomber les vagues. On en est toujours à la première vague, croyez-moi. Et pourquoi on en est toujours à la première vague? Parce qu'en mars-avril, vous avez eu une épidémie extrêmement importante. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a bien fait. On a fait ce qu'on appelle le lockdown. On a tous été enfermés. On a fermé l'horeca, on a fermé les écoles, on a fermé les universités. Et puis ça a été l'été. Et l'été a été extrêmement chaud, ce qu'on appelle la canicule. Eh bien, tous ces facteurs-là font que le virus n'a plus circulé. Et donc, ce qui était la première vague, ben, elle s'est estompée. C'est comme si vous faisiez chauffer de l'eau. Je regarde toutes les ménagères autour de moi, parce que les hommes ne cuisinent pas, ça vous savez déjà, donc on ne va pas prétendre. Je regarde toutes les ménagères, et il y a une majorité de femmes ici. Vous faites chauffer l'eau, vous ne mettez pas de couvercle, vous allez avoir de la buée à un moment donné sur votre fenêtre. Vous mettez votre eau dans une casserole à pression et vous commencez à fermer le couvercle. La buée va disparaître, immanquablement. Et puis à un moment donné, vous vous dites, fourte le couvercle, je retire le couvercle. Qu'est-ce que vous allez voir? La buée va réapparaître. Ben, le coronavirus, c'est la même chose. On l'a vu apparaître en mars-avril, on a pris des mesures, c'est la casserole à pression, on a fermé le pays, on a bien fait, je répète, on a bien fait. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Le lockdown a été très très rapidement levé, les écoles ont repris, les enfants sont retournés à l'école, les étudiants sont retournés à l'université, les travailleurs qui n'avaient pas la chance de faire du télétravail, il faut quand même bien rappeler que tout le monde n'a pas la possibilité de faire du télétravail. C'est quand même réservé à une certaine élite, le télétravail. Rappelons-le. Donc ceux qui n'avaient pas la possibilité de faire le télétravail ont repris leur travail. Et donc tous les gens qui avaient 40, 50, 60 ans et qui avaient du boulot ont repris leur boulot. Ça veut dire quoi? Le virus a recirculé. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ben évidemment, le virus circule énormément. Le virus circule énormément et nos hôpitaux sont sous grande pression. Pourquoi nos hôpitaux sont sous grande pression? Uniquement à cause du Covid? Non. Bien sûr que ça contribue, mais ça contribue dans certaines grandes villes. Pas partout. Il y a des hôpitaux où il n'y a pas de Covid. Il y a des régions où il n'y a pas de Covid. Il y a des soins intensifs où il n'y a pas de patients Covid. Mais à Bruxelles, on en a trop. Oui, ça c'est vrai. On en a beaucoup trop. Et pourquoi nos hôpitaux sont sous pression? Trois raisons. Trois raisons majeures pour lesquelles ils sont sous pression. La première, c'est qu'en mars-avril, ils ne s'occupaient que du Covid. Depuis lors, on leur a demandé, très logiquement d'ailleurs, de s'occuper des autres citoyens qui n'étaient pas des citoyens Covid, qui avaient des cancers, qui avaient des maladies, qui devaient être opérés, qui avaient des problèmes cardiaques, qui avaient des problèmes neurologiques, et je pourrais allonger la liste des maladies. Donc ces personnes-là, les médecins que nous sommes, devons nous en occuper aussi, Covid ou pas Covid. Oui, mais si vous rajoutez le Covid à tout ceci, dans un système de santé, rappelons-le, et nos politiciens oublient de nous le rappeler, a été sous-financé depuis ces 20 dernières années, et on s'étonne que le système sanitaire ne tienne pas le coup. Est-ce que vous voudriez être infirmière, travailler de nuit, travailler le jour, être méprisée, pas valorisée, être méprisée parfois par vos propres chefs de service, médecins, Pierre dans mon jardin? Est-ce que vous voudriez faire ça? Je suis désolé, mais avec le son, je ne vous entendrai pas. Donc si vous ne m'adressez pas la parole, par micro, je ne vous entendrai pas. Oui, je suis vraiment écœurée parce que par ce qui a été dit, parce qu'on ne parle pas des gestionnaires des grands hôpitaux universitaires. Alors me dire que les hôpitaux universitaires sont full et ne peuvent pas réagir. Moi j'ai accompagné une personne qui était en traitement de chimiothérapie, donc en traitement, je vais dire, de jour. Donc, il allait une fois par semaine dans un grand hôpital bruxellois universitaire que monsieur connaît très bien. Tous les services étaient fermés. Donc, il y avait encore, à un certain moment, la gériatrie qui était fermée, qui n'était pas encore fermée. Donc, on me dit qu'un grand hôpital où il y a des milliers de personnes qui vont chaque jour, trois étages en sous-sol, hein, de consultation de toutes, je veux dire, de toutes les maladies qui existent, de toutes les gens qui souffrent de traitements qui n'ont pas eu, qui n'ont pas été. Alors moi, je crois qu'il y a plus de morts de gens qui n'ont pas eu leur traitement que de gens du Covid. Alors une autre chose, non, vous avez parlé d'infirmière. Non, parlez d'infirmière. Je veux pouvoir parler d'infirmière. Une infirmière en gériatrie qui part en congé, elle revient et elle est positive et elle reprend le lendemain son travail. Merci madame, mais ce serait mieux d'attendre le temps des questions-réponses. Ce sont des propos qui sont intéressants. Oui, bon, c'est très intéressant, mais ou bien vous parlez à ma place et moi je m'en vais, et vous parlez très bien, et ce que vous avez dit est très juste, mais ou bien vous me laissez achever maintenant. Moi je croyais que vous alliez me poser une question, donc je suis un peu surpris, mais donc c'est vrai ce qu'elle dit. Dans 5 minutes, quand vous voulez. Oui, voilà. Donc, en fait, donc, les hôpitaux sont sous pression et on a trop peu de personnel à l'heure actuelle. Il y a trop peu d'infirmières et ça, c'est un fait. Bon, écoutez. Vous poserez vos questions après si vous voulez bien. Si vous étiez dans un auditoire avec mes étudiants, je vous mettrais dehors. Eh bien, alors c'est moi qui m'en vais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, madame. Voilà l'exemple de ce que provoque une crise. Les gens perdent leur maire, les gens perdent leur valeur démocratique, ils perdent leur calme et surtout, ils perdent le respect des autres. C'est ça qu'il faut éviter. Moi, j'essaye de vous expliquer un problème là où il est. On peut ne pas être d'accord avec moi. On peut, absolument. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui le font savoir dans les médias. Néanmoins, nos systèmes bruxellois hospitaliers sont sous pression. On ne peut pas le nier. D'autres hôpitaux n'ont pas ce problème. La première ligne médicale, les médecins, sont en train d'exploser. Il n'y a pas assez de médecins. Ils font du boulot administratif. C'est extrêmement compliqué pour eux de gérer la crise à l'heure actuelle. Au début, on leur a même demandé, est-ce que vous pouvez vous imaginer de soigner les gens par téléphone? Est-ce que vous pouvez vous imaginer soigner quelqu'un par téléphone? C'est impossible. Et donc, où est le problème? Sous-financement des hôpitaux, sous-financement du système médical. Rappelez-vous le numerus clausus? Pourquoi a-t-on mis un numerus clausus alors que nous avons besoin de médecins? Et on voit maintenant qu'on a besoin de médecins. Pourquoi a-t-on dévalorisé tellement le statut des infirmières qui ont un boulot, je le répète, mal payé, mal considéré, terriblement difficile, terriblement fatigant et absolument pas considéré même par les médecins? Pierre dans mon jardin. Vous voudriez être infirmier et infirmière? À l'heure actuelle, je vous le déconseille. Et pourtant, nous en avons besoin. Que faut-il faire? Je vous rappelle mon passé de médecin militaire. Il y aurait moyen de régler la situation. On transfère les patients équitablement vers des zones surchargées, vers des zones moins chargées. Un. On supprime ce numerus clausus. Oui, mais de toute façon, ça n'aura pas un effet immédiat. On revalorise le statut des infirmières immédiatement. Vous doublez leur salaire. Vous savez, c'est comme quand on a une équipe de foot qui marque un but alors qu'elle croyait avoir perdu. Vous redonnez du tonus à des gens qui en ont besoin. Vous revalorisez leur fonction tout de suite, pas dans 6 mois. Et donc voilà le genre de mesures simples qu'on peut prendre. Ensuite, les mesures de protection, je termine par là, nous les avons. Il n'y a pas besoin d'imaginer de nouvelles mesures. Le port du masque. Combien de vous portent le masque ici? Personne. Distance sociale, d'accord, mais les aérosols vont très loin, madame. Donc, qui porte, dans ceux qui portaient un masque, un bon masque? Montrez-moi le masque que vous avez, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est très très bien. Je vois beaucoup de masques en tissu et je vois quelques masques en papier. Vous pouvez jeter votre masque, il ne sert à rien contre le coronavirus. Il vous coûte 0,5 euros par masque et vous allez devoir le changer tous les 3 heures. Vous croyez que tout le monde à Bruxelles a le niveau de salaire qui lui permet d'acheter un masque en papier, de le renouveler toutes les 2 ou 3 heures pour se protéger contre le coronavirus? Je ne le crois pas. Par contre, le masque en tissu, fait par votre voisine, fait par des dames qui ont 70 ans, 80 ans, qui en ont fait 3, qui en ont fait 4, qui en ont fait 10, qui les ont distribués avec leur petite pension, leur petit salaire. Ça, ce sont les héros. Et ces masques-là sont efficaces. Et ça, on le dit depuis le début. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement dire ça? Le tracking and tracing, on nous a pompé l'air avec la protection des données privées, qui se trouve d'ailleurs sur Google, mais ça, tout le monde s'en fout. Mais tout le monde donne ses données à tout le monde et vous trouvez, je peux vous donner des exemples où je retrouverai votre identité et qui vous êtes en quelques minutes en googlant. Mais la protection de la vie privée. Or, on a besoin de savoir où sont les clusters. Vous croyez qu'on le sait à l'heure actuelle? Absolument pas. Les tests, on en fait tant et plus. On les fait sur qui? Des gens qui sont asymptomatiques, qui reviennent de zones rouges, qui reviennent de zones vertes, de zones mauves, de zones violettes. Ça n'a aucun sens. Faisons des tests chez des gens qui ont des symptômes, on n'a pas assez de tests. Donc voilà, on a toutes des armes en main et on les utilise très mal. Mais on va fermer les bars et l'horeca. Là, on va être extrêmement efficace. Excusez-moi, on n'y croit pas du tout. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, professeur aussi. Bien, nous avons un quart d'heure de questions-réponses pour Senta et pour Jean-Luc. Alors, ce sera une question de course. Qui court le plus vite vers le micro? Bonjour. J'ai juste une question à vous poser. Comme il n'y a pas de gestionnaire de crise, comme vous êtes chef de clinique d'un hôpital, qui décide des règles qui circulent dans l'hôpital? Magnifique question. Les règles, c'est le Céléval. Ça s'appelle la cellule d'évaluation. Vous avez peut-être déjà entendu le nom de cet animal rare. Vous savez qu'on n'a pas de gestionnaire de crise, je l'ai dit, mais vous savez aussi que dans ce Céléval, il n'y a pas de médecin traitant, il n'y a pas d'urgentiste, il n'y a pas d'intensiviste et il n'y a pas de directeur médical. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire pour une crise de santé publique qu'aucun des acteurs majeurs de la gestion de la santé ne se trouve dans une cellule qui a pour mission de conseiller le gouvernement sur les mesures à prendre? Moi, je trouve qu'on est quand même un pays extraordinaire. Je vous dis, on est des champions du monde de la créativité, franchement. On fait les choses complètement de travers et quand ça va bien, croyez-moi, c'est par chance. C'est pas par planification. Merci beaucoup. Alors, qui court le plus vite? Ceux qui sont les plus près. Histoire de lièvre et de tortue. Oui, oui, voilà. En fait, j'ai fait votre connaissance à la télévision et on montrait l'Italie. Et là, je ne sais pas, vous avez déployé tout un arsenal pour faire les tests. Mais c'était une piqûre sur le doigt pour prendre le sang et vous aviez le résultat rapidement. Et donc vous aviez fait à la télévision, le professeur Gala fait du bon travail là-bas et tout. Et puis, je n'ai plus entendu parler de vous, peut-être parfois une fois, oui, peut-être heureusement. Mais alors je me pose la question, pourquoi ne fait-on pas ce genre de test ici? Enfin, je ne sais pas, ce que vous avez fait en Italie, pourquoi ici, on ne voit rien? En Italie, on a effectivement... D'abord, on nous a demandé de le de le faire. Donc ici, en Belgique, personne ne m'a demandé rien du tout jusqu'à présent. Mais en Italie, les autorités italiennes m'ont demandé de les aider. Et donc, avec mon équipe, nous sommes allés là-bas. Première chose. Donc, pourquoi je ne le fais pas ici? Parce qu'ici, personne ne me le demande. Donc, vous savez, moi, je suis un citoyen discipliné. Si on ne me demande pas de faire quelque chose, à part parler à la TV quand on me le demande, je fais ce qu'on me demande. Ceci dit, en Italie, on a fait des tests sérologiques, c'est-à-dire savoir si vous avez des anticorps. Et vous devez savoir qu'en Belgique, pour des raisons qui nous échappent, le gouvernement refuse que ces tests soient effectués. Nous avons en Belgique plusieurs compagnies belges qui produisent des tests qui ont été validés, qui sont vendus dans le monde entier. Y a-t-il des Congolais dans la salle ? Il n'y a pas de Congolais dans la salle. L'Afrique est ma deuxième famille. Vous savez qu'au Congo, ils ont été un des premiers pays à acheter les tests sérologiques belges. C'est une vraie histoire belge, que je vous raconte là. Les Congolais ont été les premiers à acheter des tests sérologiques belges que la Belgique elle-même refusait de valider pour sa propre usage. Comme je vous dis, on est champion du monde de la créativité. Voilà encore un autre exemple. On est vraiment champion du monde. On ne sait pas faire mieux que ça, hein. Moi, je suis triste que Coluche ne soit plus là parce qu'il aurait un certain nombre d'histoires belges à nous raconter sur ce qu'on fait dans la crise. Une autre question. Voilà, je me trouve très sympathique. Alors, je voudrais vous demander comment vous positionnez par rapport aux personnes qui disent que la meilleure manière de lutter contre les virus et les microbes en général, c'est de booster le système immunitaire avec de l'Echinacea ou de la respiration. Mais écoutez, on ne sait pas trop... On ne sait pas trop grand-chose de l'immunité du virus. Ce qui est sûr, il ne faut pas être réducteur et le voir uniquement avec des anticorps. L'immunité, je ne vais pas vous donner un cours sur l'immunité, mais je la connais bien, elle est beaucoup plus complexe que ça. Donc, par rapport à des boosters d'immunité, ce que je peux vous dire à coup sûr, il vaut mieux avoir une bonne immunité, donc une bonne alimentation, un bon repos. Tout ça, c'est de la logique, c'est de l'empirisme belge. On sait que si on est bien reposé, avec une immunité forte, de la vitamine D, etc., on sera mieux défendu. Mais ce sont des mesures très spécifiques. Alors, au niveau des mesures spécifiques, il faut des anticorps et il faut des cellules immunitaires qui combattent le virus. Les anticorps, on sait que ce n'est pas top, ils ne sont pas très forts. Mais on ne sait à peu près rien des cellules immunitaires. Et donc, pour ce qui est de l'immunité, il y a des débats vraiment terribles pour l'instant entre les personnes qui, comme moi, pensent qu'il faut jouer sur une immunité subcollective, c'est-à-dire cibler notamment les étudiants et leur permettre de faire circuler le virus très vite, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Les étudiants, on ne pouvait pas les enfermer dans un code pendant 3 semaines avec la révolution. Donc je n'ai pas d'alternative. Donc puisque je n'ai pas d'alternative, je joue l'alternative citoyenne et je leur dis... Profitez de votre vie raisonnablement en faisant ce que vous pouvez faire au mieux, mais passez un contrat social avec nous, les vieux et les gens à risque. Et quand vous êtes à risque, restez loin de nous. Est-ce qu'on peut vous demander ça comme futur citoyen de notre société? Et les jeunes à qui je parle de ça me disent, docteur, où signe-t-on? Où est le contrat? On signe, on le fait, on s'engage à respecter et protéger nos aînés. J'ai d'autres, mes collègues, qui disent « ne fais pas confiance aux jeunes, ils n'en feront jamais qu'à leur tête ». C'est une question de confiance. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux citoyens, au bon sens et à nos jeunes. Si on ne fait pas ça, alors on n'a plus de société. Merci, merci beaucoup. Concernant l'immunité, je vous conseille de rester jusqu'à ce soir, parce qu'on a le docteur Résimon, qui est un spécialiste de la médecine nutritionnelle, et qui vous donnera d'excellents conseils, puisque jusqu'à présent, il a guéri tous ses patients. Donc vraiment, ça vaut la peine de revenir ce soir. Moi, j'aurais un retour d'expérience à vous proposer, qui m'intéresse, j'aimerais avoir votre avis. Donc je suis infirmière à domicile. J'ai travaillé pendant 12 ans aux urgences à l'hôpital Saint-Pierre et un petit peu aux soins intensifs par la suite. Et je constate qu'en soins à domicile, je n'ai encore eu aucun patient Covid. Pas un. Et je ne suis pas une exception. Mes collègues à domicile, nous nous demandons où sont tous les cas Covid. Visiblement, ils sont à l'hôpital, mais ils ne sont pas chez nous. Comment est-ce possible, alors que la moyenne d'âge de nos patients est rigoureusement la même que la moyenne d'âge des patients qui sont dans les homes, ne sont pas atteints par le Covid? Il y a un microclimat, c'est nos soins qui sont particulièrement bons. Alors, c'est une observation que vous faites et qui m'a été rapportée par d'autres, donc je corrobore ce que vous dites. Le Covid ne frappe pas partout. Il faut savoir que le Covid frappe surtout les zones très, très industrialisées, c'est vrai, avec des hautes densités de personnes. Donc, il y a des régions de France, vous connaissez la France, on l'aime, la France, où il n'y a pas de Covid. Vous venez de France ? J'ai des médecins qui me téléphonent en disant « on n'a pas de Covid, on ne l'envoie pas ». Par contre, il faut bien admettre qu'à Paris, par exemple, il y en a. Il faut bien admettre qu'à Bruxelles, il y en a. On ne peut pas le nier. Mais à Arlon, dans les lits de soins intensifs d'Arlon, ce sont les chiffres d'il y a 5 jours. Donc ça peut changer. Mais dans les lits de soins intensifs à Arlon, il n'y avait pas de patients Covid. Aucun. Oui, mais ça c'est autre chose, autre chose. Oui, la grippe, mais... Excusez-moi, je croyais qu'on parlait du Covid. Mais on peut switcher sur la grippe, hein. Bien sûr que c'est un virus. La grippe tue fort, exactement. Mais restons sur le Covid, mais clôturons avec votre remarque, qui est évidemment pertinente. La grippe, le gros avantage, c'est qu'on a un vaccin. Oui, mais on change le vaccin chaque année. Voilà. Le Covid, nous n'avons pas de vaccin. Oui, mais les premières fois, c'est il y a longtemps. Hein. Les premières fois, c'est il y a longtemps. Bien sûr. Oui. Donc, il parlait de la grippe et le fait que c'est un virus, c'est vrai que la grippe tue aussi. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui tuent. Hein. La tuberculose tue, la malaria tue. Les voitures tuent, l'alcool tue. Mais on va peut-être pas se perdre dans les débats de tout ce qui tue, parce qu'alors, on rentre et on se suicide. Ça aussi, hein, ça tue, par ailleurs. Hein. Donc, on ne va pas se rentrer dans ces débats-là, parce que là, on est parti et il faudra 5 heures et on n'y arrivera pas. Mais s'il y a encore une question pointue sur... Je vous laisse dispatcher. Plus vite, qui court le plus vite? Ça fait longtemps qu'elle demandait. Attendez, non, j'aimerais bien entendre la dame là qui n'a pas encore eu la parole, je crois. Vite fait. Excusez-moi. Du coup, apparemment, vous êtes pro pour le masque, c'est ça? À fond, hein? Depuis tout à l'heure, on se passe le micro les uns des autres. Vous prenez le micro avec votre masque. Vous allez, dans 5 minutes, sortir ou aller je ne sais où, vous allez mettre votre masque. On est d'accord? Est-ce qu'il est vraiment fiable? Est-ce qu'il va vous protéger, votre masque? Parce que moi, j'ai mis du gel, mais il y a 1 heure sur mes mains. Eh bien, je vous défie de prendre mon micro avec votre masque. Je suis un très mauvais exemple. Pourquoi suis-je un très mauvais exemple? Je vais vous le dire. Le masque que j'ai est excellent. Le masque que la plupart d'entre vous m'ont montré est bon aussi. Le papier n'est pas bon. J'ai eu le Covid et j'ai des anticorps extrêmement élevés. Donc, je peux manipuler ce micro et vous pouvez venir près de moi. Vous n'attraperez pas le Covid et je ne l'attraperai pas de vous si vous êtes des transmetteurs. C'est pour ça que je vous dis que je suis un très mauvais exemple. Ne faites pas comme moi. Si vous n'avez pas eu le Covid, protégez-vous bien. Si, le masque est indispensable pour limiter les chaînes de transmission. Oui, bonjour. Je voulais vous demander 2 choses. Faire un petit commentaire par rapport à ce que vous avez dit du confinement. Je suis belge-argentine. Comme je suis un peu en colère, mon français est lamentable parfois. Mais vous avez dit que le confinement était parfait, que c'était nécessaire au début. Je vais simplement vous donner un petit exemple par rapport au pays, la densité d'un pays semblable à la Belgique. Je suis argentine d'origine. Je ne vais parler pas de l'Argentine, que c'est un désastre, parce qu'on a très mal géré, comme en Belgique et pas mal d'endroits. Mais je vous parle de l'Uruguay. L'Uruguay, avec un président qui a eu le bon sens, avec des bons scientifiques à côté, ils n'ont pas fait les confinements obligatoires. Les seules personnes qui ont été confinées c'était les personnes à risque avec des maladies préexistantes. Et ce pays a eu depuis février que 2000 morts en cas bas et en contagion. Et c'est un modèle comme d'autres pays. On parle de la Suède, mais la Suède a beaucoup moins de réussites par rapport à l'Uruguay. Je voulais dire que ce que vous affirmez n'est pas tout à fait vrai par rapport à cette obligation du confinement. Ça ne nous a pas aidés. Et la question par rapport à vous, qui vous êtes médecin, c'est pourquoi, s'il y a vous, il y a un tas d'autres médecins en Belgique, comme il y a en Allemagne, en Espagne, en Argentine, partout en Amérique latine, qui ont formé les Comusav par rapport à comment traiter et éviter que les gens meurent, vous, en tant que médecin, n'ont pas été révoltés, parce que vous n'êtes pas moi, vous n'êtes pas une petite citoyenne qui n'a pas d'envergure ni de pouvoir pour faire changer, par exemple, les mesures d'un gouvernement. Mais vous, en tant que médecin, vous avez un pouvoir. C'est le pouvoir de guérir, d'aider à guérir les gens et à dire ça, c'est important, ça, c'est nul, ça, c'est l'aberration. Et en Belgique, je ne vois pas, sauf des cas très isolés, des médecins qui ont eu le courage de faire face à tous les absurdes de ces mesures jusqu'à maintenant. Et c'est la seule chose en tant que médecin, et moi, si j'étais médecin, mon envie, mon objectif, mon souhait, c'est que les plus des gens soient guéris par rapport à une bactérie, un virus, un parasite ou un champignon. Et j'ai ici de l'eau. Avec quoi? Dedans, c'est le CDS ou dioxyde de chlore. Et pendant des années, j'ai renforcé mon système immunitaire avec l'échinacée, avec un tas de plantes qui vont renforcer, m'aider à avoir une bonne santé. Ça veut dire que je me responsabilise en tant que citoyenne, en tant que personne. Mais vous, en tant que médecin, et le gouvernement qui dit qu'il nous protège jusqu'à maintenant, depuis 7 mois de confinement et des absurdes et des mesures scandaleuses, et pourquoi, en tant que médecin, corps médical, hôpitaux, des généralistes, vous ne faites pas en sorte de dire qu'il y a moyen d'attaquer un virus sans confinement, sans masque et sans des conneries qu'on est en train de nous obliger, de nous imposer depuis des mois et des mois. Je suis obligé de vous décevoir parce que un virus comme le coronavirus, en fonction de la densité des populations et des contacts sociaux, et les jeunes en sont la preuve, favorisent la circulation du virus et les groupes à risque meurent. Les groupes à risque, ce sont toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle les comorbidités. Donc les patients diabétiques, les patients obèses, les patients qui ont des tas de pathologies, qui ont des médicaments, les patients cancéreux, les patients très âgés. Alors, ils meurent tous? Non, évidemment, ils ne meurent pas tous, heureusement, mais beaucoup, beaucoup d'entre eux meurent. Et donc, c'est ces gens-là qu'il faut protéger. Et donc, on ne peut pas ne rien faire. Alors, vous me donnez beaucoup de pouvoir, parce que par rapport au gouvernement, je n'en ai aucun, je ne suis dans aucune cellule d'évaluation, je n'ai absolument aucun pouvoir de décision. Et donc, la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de recommander des mesures simples, et je pense l'avoir fait avec le port du masque, à un moment donné, où l'ensemble des experts du nord et du sud du pays me traitaient de crétin, de stupide, de personnes qui n'y connaissaient rien du tout. Mais je voulais quand même leur rappeler que j'ai travaillé une bonne partie de ma vie en Afrique, et que si je n'avais pas porté le masque en Afrique, je n'aurais probablement pas la chance de vous parler aujourd'hui.